moi, c'était le temps des fleurs, des rendez-vous du cœur. Quand je comptais les heures pour être toi et moi, deux oiseaux dans la nuit qui s'étaient promis de voler plus haut. Et tu t'en vas comme un chien, comme un fou. L'adagio est pour nous un point d'orgue. C'est tout ce qui reste. Toi.